Comment le brigadier perdit une oreille, par Arthur Conan Doyle. C'est au café que le vieux brigadier contait ses histoires. J'ai vu bien des cités, mes amis. Je ne saurais vous dire toutes celles où j'entrais en vainqueur, suivi de mes 800 petits bougres tintants et cliquetants. La cavalerie marchait en tête de la grande armée. Les hussards de Conflans marchaient en tête de la cavalerie. Je marchais en tête des hussards de Conflans. Des innombrables villes qui reçurent ma visite, Venise est la plus mal bâtie et la plus ridicule. Comment les gens de l'état-major imaginèrent-ils que la cavalerie y pourrait manœuvrer? Murat ou Lassalle eux-mêmes eussent été bien empêchés d'y amener un escadron. Nous laissâmes donc à Padoue, qui est en terre ferme, la brigade lourde de Kellermann et ses hussards. Mais Suchet, avec l'infanterie, occupa Venise. Il m'avait choisi pour son aide de camp, étant fort satisfait de moi à propos de certaines affaires où j'avais heureusement soutenu contre un maître d'armes de Milan l'honneur de l'escrime française. L'homme, tireur habile, méritait une leçon. Car si l'on n'apprécie pas une cantatrice, on a toujours la ressource de se taire, et c'est une chose intolérable qu'un affront public infligé à une jolie femme. J'eus pour moi, dans la circonstance, toutes les sympathies, de sorte que l'affaire une fois étouffée et la veuve pourvue d'une pension, Suchet m'appela près de lui. C'est ainsi que je le suivis à Venise, où j'eus l'étrange aventure que je vais vous conter. Vous ne connaissez pas Venise? Non, sans doute, car les Français voyagent peu. Nous étions de grands voyageurs en ce temps-là. Nous avions couru partout, de Moscou au Caire, plus nombreux, il est vrai, que ne l'auraient souhaité ceux que nous visitions. Et nos canonniers portaient nos passeports dans leurs avant-trains. Ce sera pour l'Europe un mauvais jour que celui où les Français se remettront à voyager, car ils n'abandonnent pas facilement leur foyer, et lorsqu'ils s'y décident, on ne sait jamais où ils iront, pour peu qu'ils aient un guide comme celui qui nous montrait la route. Hélas, les grands hommes sont morts, et me voilà, moi, le dernier d'entre eux, buvant le vin de Suresnes dans un café en ressassant de vieilles histoires. Je vous disais donc que nous étions à Venise. Les gens vivent là comme des radeaux sur un banc de vase. Mais les maisons y sont très belles. Les églises, Saint-Marc en particulier, des plus imposantes. Quant aux tableaux et aux statues, l'Europe n'en a pas de plus célèbres. C'est de quoi surtout les Vénitiens s'enorgueillissent. Beaucoup de soldats se figurent qu'ayant pour métier de faire la guerre, ils ne doivent rêver que combat et butin. Tel était, par exemple, le vieux Bouvet, qui fut tué par les Prussiens le jour où je reçus ma croix des mains de l'empereur. Tiré de la tente ou de la cantine, si vous lui parliez de littérature ou d'art, il vous regardait d'un air ébahi. Le soldat supérieur est celui qui, comme moi, sait comprendre les choses de l'esprit et de l'âme. Sans doute, j'étais fort jeune quand j'entrais dans l'armée, et le maréchal des logis fut mon seul maître d'école, mais on ne peut manquer de s'instruire quand on promène à travers le monde des yeux bien ouverts. Ainsi j'admirais les peintures de Venise sans ignorer les noms du Titien et des autres grands artistes dont elles sont l'œuvre. On ne saurait nier que Napoléon les admira lui aussi, car son premier soin, après l'occupation de la ville, fut de les envoyer à Paris. Chacun de nous prit tout ce qu'il put prendre et j'eus pour ma part deux tableaux. Je gardai l'un qui s'appelait Nymphe surprise, l'autre était une sainte Barbara dont je fis présent à ma mère. Il convient d'avouer toutefois qu'en ces questions de statues et de peinture, certains des nôtres se comportèrent fort mal. Les Vénitiens avaient pour ces objets un attachement extrême, et ils chérissaient comme un père ses enfants les quatre chevaux de bronze qui surmontaient le portail de leur principale église. Je me tiens pour connaisseur en chevaux. J'avais attentivement regardé cela. Je ne vois pas qu'on dût en faire tant d'estime. Trop massif pour la cavalerie légère, il ne l'était pas assez pour l'artillerie. Cependant, c'étaient les quatre seuls chevaux, vivants ou morts, qu'il y eut dans toute la ville, et l'on ne pouvait s'y flatter d'en voir jamais de meilleurs. Leur départ fut pour les habitants un sujet d'amertume, et l'on repêcha, dans la nuit, 10 cadavres de soldats français flottant sur les canaux. En manière de représailles, on fit une nouvelle rafle de tableaux, sans compter que la troupe se mit à briser les statues et à tirer des coups de feu sur les vitraux des églises. La fureur du peuple ne connut plus de bornes. L'animosité contre nous gagna toute la ville. Un grand nombre d'officiers et d'hommes disparurent au cours de l'hiver, et jamais l'on ne retrouva leurs corps. J'étais, quant à moi, trop occupé pour que le temps me durât. En règle générale, chaque fois que je me trouvais dans un pays nouveau, j'essayais d'en apprendre la langue. Je cherchais quelques dames qui eut la bonté de m'en instruire, après quoi nous la pratiquions ensemble. C'est le mode d'enseignement le plus intéressant, et je n'avais pas 30 ans que je parlais déjà presque tous les idiomes de l'Europe. Je dois pourtant reconnaître que ce qu'on apprend ainsi n'est que de peu d'usage dans les circonstances ordinaires de l'existence. Moi, par exemple, j'avais surtout affaire aux soldats et aux paysans. Que sert-il, je vous le demande, de savoir leur dire qu'on les aime et qu'on leur reviendra fidèlement sitôt la guerre finie? En aucun lieu je ne rencontrai une maîtresse de langue plus délicieuse qu'à Venise. De son prénom, elle s'appelait Lucie, et de son nom... Mais le nom d'une dame est chose qu'on oublie quand on est un galant homme. J'indiquerai simplement qu'elle appartenait à une des familles sénatoriales de Venise. Son grand-père avait même exercé la charge de doge. Elle était d'une exquise beauté, et quand je dis exquise, moi, Étienne Gérard, je donne à ce mot tout son sens. J'ai du jugement, des souvenirs, des termes de comparaison. Dans le nombre des femmes qui m'ont aimé, il n'y en a pas 20 à qui j'appliquerai une pareille épithète. Mais je le répète, Lucie était exquise. Je ne me souviens pas d'une brune qui pût rivaliser avec elle, hormis Dolorès de Tolède. Cette Dolorès, dont le nom m'échappe, était une petite personne que j'aimais à Santarem, du temps où je servais sous Masséna. Elle était d'une beauté parfaite, mais n'avait ni la tournure ni la grâce de Lucie. Il y eut également Agnès, et je ne saurais donner le pas à l'une sur l'autre. Mais je ne commets point d'injustice en affirmant que Lucie allait de pair avec la plus belle. C'est à propos de tableaux que je fis sa connaissance. Son père possédait, de l'autre côté du pont du Rialto, sur le Grand Canal, un palais si riche en peinture murale que Suchet envoya des sapeurs pour les enlever et les expédier à Paris. Je les accompagnais. Au moment où Lucie m'apparut tout en larmes, il me sembla que le plâtre allait se fendre si on le détachait du mur. J'en fis l'observation, et les sapeurs reçurent un contre-ordre. Après cela, devenu l'ami de la famille, combien de flacons de Chianti je débouchai avec le père! Combien de douces leçons je pris avec la fille! Quelques-uns de nos officiers se marièrent cet hiver-là à Venise. J'aurais pu faire comme eux, car j'aimais Lucie de toute mon âme. Mais j'avais mon épée, mon cheval, mon régiment, ma mère, mon empereur et ma carrière. Un brave hussard peut toujours être amoureux. Il n'y a point de place dans son cœur pour une épouse. Du moins, c'est ainsi que je pensais, mes amis. Je ne songeais guère, alors, à ces futures années de solitude où je languirais du désir d'étreindre encore tant de mains évanouies, où je détournerais la tête au spectacle de vieux camarades entourés de leur jeune famille. Je prenais l'amour pour un jeu, une amusette. Aujourd'hui seulement je comprends que c'est lui qui façonne une vie, qu'il n'est rien de plus solennel et de plus sacré. Merci, mes amis, merci. Ce vin est excellent, et une seconde bouteille ne fera de mal à personne. Comment mon amour pour Lucie fut-il cause de l'une des plus terribles aventures qui m'échurent jamais? Comment me coûta-t-il le sommet de l'oreille droite? Vous m'avez souvent demandé pourquoi il me manquait, je vais vous le dire. Suchet, à ce moment, avait son quartier général au palais du doge d'Andelot, sur la lagune, non loin de la place Saint-Marc. L'hiver touchait à sa fin lorsqu'une nuit, revenant du théâtre Gondini, je trouvais chez moi un billet de Lucie. Elle avait des ennuis et me demandait en toute hâte. Une gondole m'attendait. Pour un soldat et un Français, il n'y avait à cet appel qu'une réponse. Je sautai immédiatement dans le bateau, et le batelier poussa sur l'eau noire. Je me souviens qu'en allant m'asseoir, je fus frappé par l'aspect de cet homme. Ce n'était pas la taille qu'il avait de remarquable, mais la carrure, l'une des plus extraordinaires que j'eusse vue de ma vie. Ces gondoliers de Venise sont de forte race. Les beaux hommes ne manquent point parmi eux. Le mien prit place derrière mon siège et commença de ramer. Un bon soldat, en pays ennemi, devrait toujours être sur le qui-vive. Si j'ai vécu assez pour avoir les cheveux gris, c'est que j'ai su fidèlement observer cette règle. Pourtant, cette nuit-là, je montrais l'insouciance d'un conscrit qui n'a peur que de paraître avoir peur. J'avais, dans ma précipitation, négligé de prendre mes pistolets. Je portais bien mon sabre, mais c'est souvent l'arme la moins commode. Étendu dans la gondole, je me laissais bercer par les molles ondulations du flot et le bruit régulier de la rame. Nous nous dirigeons à travers un dédale de petits canaux que bordait une double rangée de hautes maisons. Au-dessus de nous se découpait une mince bande de ciel pailleté d'étoiles. Ça et là, sur les ponts qui enjambaient le canal, brillait faiblement la lueur de quelques lampes à huile. Parfois, un rayon de lumière tombait d'une niche devant laquelle un cierge éclairait l'image d'un saint. Mais à cela près, tout était noir, et je ne distinguais l'eau qu'à la blancheur du sillage dont l'écume s'arrondissait autour de notre longue proue obscure. Quel lieu et quel instant pour le rêve! Je songeais à ma vie passée, aux grandes actions où j'avais été mêlé, aux chevaux que j'avais montés, aux femmes que j'avais aimées. Je pensais aussi à ma chère mère. J'imaginais sa joie quand elle entendait les gens du village commenter la gloire de son fils. À quoi ne pensais-je pas? À l'empereur, à la France, à la douce patrie ensoleillée, féconde en jolies filles et en fils valeureux. J'avais chaud dans le cœur en me rappelant à combien de lieues de ses frontières nous avions promené ses drapeaux. Je jurais de lui vouer ma vie. Je portais ma main à ma poitrine tout en faisant ce serment. Et dans le même instant, le gondolier m'assaillit par derrière. Quand je dis qu'il m'assaillit, je me fais mal entendre. En réalité, il tomba sur moi de tout son poids. Un gondolier, pour mener sa barque, se tient non seulement derrière vous, mais au-dessus, de sorte que vous ne pouvez ni le voir, ni prévenir une pareille attaque. Le moment d'avant, j'étais tranquillement sur mon siège, l'âme remplie de sublimes résolutions. Le moment d'après, je me trouvais couché à plat dans le fond du bateau, respirant à peine et maintenu par le monstre. Je sentais dans mon cou son souffle haletant et féroce. Quelques secondes lui suffirent pour m'arracher mon sabre, me passer un sac autour de la tête et l'assujettir avec une corde. J'étais là, misérable comme une volaille troussée, réduit à l'état de paquet, incapable de pousser un cri ou de faire un mouvement. Bientôt après, j'entendis de nouveau le clapotis de l'eau et le grincement de la rame. Son œuvre accomplie, l'homme se remettait en route, aussi calme, aussi indifférent, que s'il avait eu l'habitude de mettre en sac un colonel de hussards chaque jour de la semaine. Impossible d'exprimer mon humiliation, ma fureur, à me voir ainsi dans la position d'une bête qu'on va livrer à la boucherie. Moi, Étienne Gérard, champion des 6 brigades de cavalerie légère, première lame de la grande armée, être accommodé de cette façon par un homme seul et sans armes. Néanmoins, je ne bougeais pas, car s'il est des moments qu'il faut savoir résister, il en est d'autres où il vaut mieux ménager ses forces. J'avais senti sur mon bras la poigne de l'homme. Je savais qu'entre ses mains je ne pèserais pas plus qu'un enfant. Immobile, mais au fond de moi, consumé de rage, j'attendis que mon tour vînt. Combien de temps je restais de la sorte, c'est ce que je ne puis dire. Il me sembla que c'était un très long temps. Les eaux continuaient de clapoter, la rame de gémir. Nous tournâmes plusieurs fois des coins, autant que j'en pus juger par ce cri lent et triste que poussent les gondoliers pour signaler leur approche. Enfin, après un trajet considérable, je sentis que nous accostions un débarcadère. L'homme frappa 3 fois de sa rame contre du bois. En réponse à cet appel, j'entendis des barres gronder, puis des clés tourner dans des serrures. Enfin, une lourde porte gémit sur ses gonds. « Vous l'avez ?» demanda une voix en italien. L'homme se mit à rire et tapant sur le sac qui me contenait. « Il est là, » répondit-il. « On attend, » reprit la voix, et des mots suivirent que je ne saisis point. « Alors je vous le passe, » dit l'homme. Il me souleva dans ses bras, monta des marches et me lança sur quelque chose de très dur. Un moment après, nouveau bruit de barres et de clés, j'étais prisonnier dans une maison. Aux voix et aux pas que j'entendais, il me parut qu'il y avait autour de moi plusieurs personnes. Je comprends l'italien beaucoup mieux que je ne le parle. Je me rendais parfaitement compte de ce qu'on disait. « Vous ne l'avez pas tué, Matteo. Si je l'ai tué, qu'importe. Sur ma foi, vous en répondrez devant le tribunal. » Le tribunal ne le tuera-t-il pas? Sans doute, mais ce n'est ni à vous ni à moi de le soustraire à la justice. Baste, je ne l'ai pas tué. Un cadavre ne mord pas. et le coquin a su trouver mon pouce avec ses dents pendant que je lui enfonçais mon sac sur la tête. Il est bien tranquille. Secouez-le, vous verrez qu'il est vivant. » On défit la corde qui m'en serrait, on me dégagea la tête. Je demeurai sur place, inerte, les yeux clos. « Par les saints, Mathéo, je vous dis que vous lui avez brisé le cou. »« Non, il est seulement évanoui. » Mieux vaudrait pour lui ne jamais reprendre connaissance. Une main me tâta sous la nuque. « Mathéo a raison, le cœur bat très fort, » dit une voix. « Laissons le gaillard se remettre de lui-même, ce qui ne tardera guère. » J'attendis une minute ou deux, puis je risquai à travers mes cils un regard furtif. D'abord, je ne distinguais rien, car j'étais depuis longtemps dans l'obscurité, et il ne régnait autour de moi qu'une lumière assez vague. Bientôt, pourtant, je vis au-dessus de ma tête un haut plafond voûté, couvert de peintures qui représentaient des dieux et des déesses. Évidemment, on ne m'avait pas amené dans un coupe-gorge. C'était là, plutôt, la grande salle d'un palais vénitien. Puis, toujours immobile, lentement, à la dérobée, je donnais un coup d'œil aux gens qui m'entouraient. Près du gondolier, sorte de ruffian au teint hâlé à la mine d'assassin, se tenaient trois hommes dont l'un, petit et recroquevillé, n'en avait pas moins un air de commandement et tenait à la main un trousseau de clés, tandis que les deux autres étaient de grands diables de domestiques, jeunes et vêtus d'une riche livrée. En prêtant l'oreille à leurs propos, je sus que le pitome était l'intendant de la maison et que les autres servaient sous ses ordres. Donc ils étaient quatre, bien qu'à vrai dire le petit majordome ne comptât guère, et j'aurais eu seulement une épée qu'une aussi faible disproportion m'eût fait sourire. Mais, homme pour homme, je n'étais pas de force à lutter contre le gondolier, même s'il n'avait pas eu l'aide des trois autres, et la ruse devait, dans ces conditions, suppléer à la force. Je voulus promener les yeux autour de moi, chercher un moyen de fuite. Je fis un mouvement de la tête presque imperceptible. Si léger qu'il fût, je ne sus pas le dérober à mes gardiens. « Allons, réveillez-vous, réveillez-vous !» me cria le majordome. Le gondolier, pour la seconde fois, me poussa du pied. « Debout, le français » commanda-t-il d'une voix bourrue. « Debout, vous dis-je » Jamais ordre ne fut si promptement obéi. Je me dressai d'un bond, je pris ma course, de toute la vitesse de mes jambes, vers le fond de la pièce. Les quatre hommes s'élancèrent vers moi, pareils à ces chiens anglais que j'ai vus poursuivre le renard. J'enfilai un long corridor. Il tournait à gauche, puis encore à gauche. Et voilà que je me retrouvais dans la salle. On me tenait presque. Je n'avais pas le temps de la réflexion. Je me dirigeais vers l'escalier. Mes deux hommes étaient en train de le descendre. Revenant sur mes pas, j'essayais d'ouvrir la porte par laquelle on m'avait introduit. Elle était maintenue par de lourdes barres que je n'arrivais pas à déplacer. Le gondolier m'avait rattrapé. Déjà, il levait son couteau. Je lui décochai dans la poitrine une ruade qu'il étendit à la renverse, et son couteau alla teinter sur les dalles de marbre. Avant que j'eusse pu m'en saisir, une douzaine d'hommes abattaient leurs poings sur moi. Je me ruai au milieu d'eux. Le petit majordome, en avançant le pied, me fit tomber. Mais je me relevai à l'instant, je secouai l'étreinte de mes adversaires, et me frayai un passage vers une porte située à l'extrémité opposée de la salle. Un cri de triomphe m'échappa quand, la poignée ayant tourné librement sous ma main, je vis que la porte donnait sur le dehors et que rien ne me fermait la route. J'avais oublié en quelle étrange ville je me trouvais. Chaque maison y est une île, et comme la porte ouverte, j'allais bondir dans la rue, la lumière de la salle me montra la nappe profonde, tranquille et noire, qui affleurait le sommet de l'escalier. Je reculai. La seconde d'après, mes poursuivants m'avaient rejoint. Mais je ne suis pas de ceux qu'on prend si aisément. Je me dégageai de nouveau à coups de pied, non sans laisser quelques cheveux entre les doigts qui cherchaient à me retenir. Le petit majordome eut beau me frapper avec l'une de ses clés. Battu, meurtri, je fis encore devant moi place nette. Je montai le grand escalier tout d'une haleine, j'ouvris d'une poussée les deux battants d'une porte, alors seulement je compris que mes efforts étaient vains. La pièce où je venais de faire irruption resplendissait de lumière. Avec ses corniches d'or, ses gros piliers, ses murs et ses plafonds peints, c'était évidemment le grand salon de quelque illustre palais vénitien. Des palais semblables, il y en a plusieurs centaines dans cette curieuse ville, et beaucoup ont des salons qui honoreraient le Louvre ou Versailles. Au centre de la pièce, sous un dais couronnant une estrade, se tenaient, rangés en demi-cercle, 12 hommes, tous vêtus de robes noires comme celles des moines franciscains, et le visage recouvert d'un masque. un groupe de gens armés, chenapans à mine patibulaire, entourait la porte. Au milieu d'eux, et faisant face au dais, était un jeune officier français portant l'uniforme de l'infanterie légère. Comme ils tournaient la tête, je le reconnus. C'était le capitaine Auray, du 7e, un basque avec qui j'avais, durant les derniers mois, vidé plus d'un verre. Mortellement pâle, il gardait cependant, le pauvre garçon, une attitude virile entre les mains des assassins. Jamais je n'oublierai la soudaine lueur d'espérance dont s'éclairèrent ses yeux sombres lorsqu'il vit un camarade apparaître inopinément dans la salle, ni le désespoir qui se peignit sur sa figure quand il comprit que je ne venais pas changer son destin, mais le partager. Vous jugez de la surprise que causa le tumulte de mon arrivée. Mes poursuivants s'étaient rassemblés derrière moi. Ils obstruaient la porte. Je n'avais plus d'issue. C'est dans de pareils instants que ma nature s'affirme. Je m'avançais d'un pas digne vers le tribunal. Mon habit était en lambeaux, ma chevelure en désordre, ma tête en sang. Mais il y avait dans mon regard, dans mon maintien, quelque chose où ces gens-là connurent qu'ils n'avaient pas affaire à un homme ordinaire. Aucune main ne se leva pour m'arrêter avant que j'eusse fait halte devant un vieillard formidable, dont la barbe grise et l'air impérieux disaient suffisamment qu'il exerçait la double autorité de l'âge et du caractère. « Monsieur, lui dis-je, peut-être voudrez-vous bien m'apprendre pourquoi l'on s'est permis d'user de violence envers moi et de me conduire dans cette maison ? Je suis un homme loyal, un soldat, tout comme monsieur que voici. J'exige qu'on nous remette immédiatement en liberté. » Un silence effrayant répondit seul à mes paroles. Ce n'est pas une chose agréable que d'avoir en face de soi 12 figures masquées et de se sentir le point de mire de 12 perdus italiens où brille le feu de la vengeance. Mais, campé dans ma fierté professionnelle, je songeais à l'honneur qui en rejaillissait sur les hussards de Conflans. Je ne crois pas que personne se fût mieux conduit en des circonstances si délicates. Je considérais sans crainte, l'un après l'autre, ces assassins, attendant une réponse. Enfin, l'homme à la barbe grise rompit le silence. « Qui est cet individu ? » demanda-t-il. « Son nom est Gérard, » dit le petit majordome de la porte. « Le colonel Gérard, » précisai-je. « Je ne veux pas vous tromper, je suis Étienne Gérard, le colonel Gérard, 5 fois cité à l'ordre, proposé pour une épée d'honneur, présentement aide-de-camp du général Suchet. Et je le répète, j'exige qu'on me remette tout de suite en liberté avec mon camarade. » Le même silence pesa sur l'assemblée. Les mêmes 12 perdus implacables s'abaissèrent sur moi. Puis l'homme à la barbe grise reprit la parole. « Ce n'est pas son tour. Je vois 2 noms avant le sien sur notre liste. Il nous a échappé. Il s'est jeté dans cette salle. Qu'il attende, mettez-le au cachot. S'il résiste, votre excellence, vous lui plongerez vos couteaux dans le corps. Le tribunal vous justifiera. Emmenez-le jusqu'à ce que nous en ayons fini avec les autres. » Comme il s'approchait de moi, je pensais d'abord à me défendre. C'eût été chercher une mort héroïque, mais qui l'aurait vu ? Qui l'aurait raconté ? Je ne pouvais que hâter un dénouement fatal, et je m'étais déjà trouvé en tant de mauvais endroits, d'où j'étais sorti sain et sauf, que j'avais appris à croire toujours en mon étoile. Je permis à ces coquins de me saisir. On m'emmena hors de la salle, le gondolier marchant près de moi, un long couteau nu à la main. Je lisais dans ses yeux de brute la satisfaction que je lui donnerais en lui fournissant un prétexte pour s'en servir. Elles sont extraordinaires, ces grandes maisons de Venise, palais, forteresses et prisons tout ensemble. On me fit passer par un couloir, descendre par un escalier de pierre aboutissant à un petit corridor sur lequel s'ouvraient 3 portes. Et m'ayant poussé à travers l'une d'elles, on la referma d'un tour de clé derrière moi. Un soupçon de lumière me venait d'une fenêtre grillagée donnant sur le couloir. Écarquillant les yeux, tâtonnant des mains, j'inspectais avec soin ma prison. Je savais, parce que j'avais entendu, que je ne tarderais pas à en ressortir pour comparaître devant le tribunal. Mais il n'est pas dans mon tempérament de sacrifier la moindre chance quand il m'en reste une. Le pavé de la cellule était si humide, ses murs, hauts de quelques pieds, étaient si gluants, si sales, qu'évidemment elle se trouvait en contrebas de l'eau. Le jour et l'air n'y avaient accès que par un trou oblique ménagé près du plafond. La vue d'une étoile dans le ciel, à travers cette échappée, m'emplit de courage et d'espoir. Je n'avais jamais eu de sentiments religieux, bien que j'aie toujours respecté ceux des autres. Mais je me rappelle que cette étoile, dont la clarté descendait au fond de mon puits, me fit l'effet d'un œil immense ouvert sur le monde et sur moi-même, et j'éprouvais le sentiment qu'un timide conscrit peut éprouver dans la bataille quand il voit tourner vers lui le calme regard de son colonel. Trois des côtés de ma prison étaient des murs de pierre. Le quatrième était une simple cloison de bois, récemment construite, à ce que je pus voir, et qui sans doute partageait une grande cellule en deux plus petites. Rien à espérer des vieux murs, ni de la petite fenêtre, ni de la porte massive. Donc, pas d'autre parti à prendre que d'examiner à fond la cloison de bois. La raison me disait bien que si j'arrivais à la forcer, chose apparemment facile, je ne ferais que changer de cellule et pour me heurter aux mêmes obstacles. Mais j'ai toujours mieux aimé agir que de me croiser les bras, et je concentrais sur la cloison toute mon attention, toute mon énergie. Deux des planches étaient si mal jointes et si mal fixées que j'eus la certitude de les détacher sans peine. Je cherchais autour de moi un outil. Un petit lit rangé dans un coin me livra l'un de ses pieds. Je venais de l'introduire entre deux planches quand des pas pressés se firent entendre. Je m'arrêtai et j'écoutais. Que ne puis-je oublier ce que j'entendis? J'ai vu mourir bien des hommes sur le champ de bataille. Moi-même, j'en ai tué plus que je n'aurais voulu. Du moins, tout cela était de bonne guerre et le soldat ne connaît que son devoir. Mais entendre se commettre un meurtre dans ce repaire de bandits, il poussait quelqu'un dans le couloir, quelqu'un qui résistait et qui, en passant, s'accrocha à ma porte. Ils durent le mener ainsi jusqu'à une troisième cellule, voisine non pas de celle que j'occupais, mais de la suivante. « Au secours! Au secours !» cria une voix. Puis il y eut un coup violent, puis un hurlement. « Au secours !» répéta la voix. « Au secours !» Et mon nom m'arriva aux oreilles. « Gérard! Colonel Gérard !» C'était mon pauvre capitaine d'infanterie que l'on égorgeait. « Assassin! Assassin !» vociférai-je. Je tapai du pied contre la porte, les cris se renouvelèrent, puis tout retomba dans le silence. Une minute après, la chute d'un cours dans l'eau m'informait que l'on ne reverrait plus jamais le capitaine Aubert. Il avait pris le même chemin que des centaines d'autres, dont les noms manquaient sur les listes d'appels depuis notre occupation de Venise. On se mit à marcher dans le couloir, ce qui me fit croire que l'on venait me chercher. Au lieu de cela, on ouvrit la porte de la cellule contiguë à la mienne. Un prisonnier en fut extrait, ensuite les pas remontèrent. J'attaquai de nouveau les planches, et travaillai si bien qu'au bout de quelques minutes, je pouvais, à ma volonté, les enlever ou les remettre en place. Passant par l'ouverture, je me trouvai dans une deuxième cellule, qui en réalité, comme je m'y attendais, ne faisait qu'une avec celle où l'on m'avait mis. Je n'étais donc pas plus avancé que tout à l'heure dans mes projets de fuite. Il n'y avait là aucune cloison à démolir, et l'on avait eu soin de clore la porte. Je rentrai dans ma cellule, je rétablis sommairement les deux planches et j'attendis, avec tout le courage possible, un appel qui probablement serait mon glas de mort. Il fut long à venir. Enfin, des pas résonnèrent une fois de plus dans le couloir. Je raidis mes nerfs, pensant qu'un nouveau crime allait s'accomplir et que je ne tarderais pas à entendre crier la victime. Cependant, il n'arriva rien de pareil. On mit un prisonnier dans la cellule voisine, mais sans violence. Je n'eus pas même le loisir de risquer un regard à travers la cloison. Presque aussitôt ma porte s'ouvrit, et mon coquin de gondolier entra, escorté de sa bande. « Venez, le Français !» me dit-il. Il tenait dans sa large main velue un couteau ensanglanté. Ses yeux féroces guettaient un mot, un geste qui lui permit de me l'enfoncer dans le cœur. Toute résistance eût été vaine. Je le suivis en silence. On me fit remonter l'escalier de pierre pour me ramener dans la magnifique salle où j'avais laissé le tribunal secret. À ma grande surprise, loin d'attirer l'attention de mes juges, je la trouvai fixée sur l'un d'eux, grand jeune homme brun qui se tenait debout en face des autres, avec lesquels il discutait à voix basse, d'un ton passionné. Sa voix tremblait d'angoisse, il agitait les mains ou les joignait dans une étreinte suppliante. « Vous ne pouvez faire cela, disait-il, vous ne pouvez faire cela. Je conjure le tribunal de revenir sur sa décision. « Frère, répondit le vieillard qui présidait, revenez à votre place, l'affaire est jugée, passons à une autre. « Au nom du ciel, soyez clément, dit le jeune homme. « Clément, nous le sommes, répliqua le vieillard. Pour un pareil forfait, la mort n'est qu'un châtiment bien faible. Taisez-vous et que la sentence suive son cours. Je vis le jeune homme se rejeter avec désespoir sur son siège. Mais je n'eus pas le temps de me demander d'où lui venait son chagrin, car déjà ses 11 collègues avaient abaissé sur moi leurs yeux sévères. Je touchais à l'instant décisif. « Vous êtes le colonel Gérard ?» dit le terrible vieillard. « En personne. » Aide-de-camp de ce voleur qui se nomme le général Suchet et qui lui-même représente ce chef de voleur qu'on nomme Bonaparte. Je fus sur le point de lui dire qu'il mentait, mais il faut, le cas échéant, savoir retenir sa langue. « J'ai déjà protesté que je suis un soldat honorable, » répondis-je. « J'ai obéi aux ordres de mes supérieurs et fait mon devoir. » Le sang afflua aux joues du vieillard et ses yeux, par les trous du masque, lancèrent des flammes. « Vous êtes tous, tant que vous êtes, des voleurs et des meurtriers !» s'écria-t-il. « Que faites-vous ici ? Français, pourquoi n'êtes-vous pas en France ? Vous avons-nous invité à Venise ? De quel droit vous y trouvez-vous ? Où sont nos tableaux ? Où sont les chevaux de Saint-Marc ? À quel titre ? Vous arrogez-vous des trésors que nos pères ont amassés au long des siècles ? Nous étions une grande cité quand la France n'était encore qu'un désert. Vos soldats, ces braillards ignorants, ces ivrognes, ont détruit l'œuvre des héros et des saints. Que répondrez-vous à cela ? En vérité, c'était un homme effroyable que ce vieillard. Sa barbe se hérissait de colère. Ses courtes phrases sonnaient comme les abois d'un chien de meute. J'aurais pu, certes, lui représenter que ses tableaux étaient en sûreté à Paris, que ses chevaux ne méritaient pas un scandale et qu'à défaut de saints, il pouvait voir des héros sans remonter jusqu'à ses aïeux ou même sans bouger de sa chaise. Mais j'aurais aussi bien fait de causer religion avec un mamelouk. Je haussai les épaules et demeurai bouche close. L'accusé renonce à se défendre, dit l'un des juges. Quelqu'un a-t-il une observation à présenter avant que le tribunal prononce ? Et le vieillard consultait du regard ses assistants. « Excellence, intervint l'un d'entre eux, je voudrais, au risque de rouvrir la blessure d'un de nos frères, rappeler que dans le cas de l'officier ici présent, il y a lieu de rendre un arrêt exemplaire. « Je ne l'avais pas oublié, dit le vieillard. Frère, si le tribunal a pu, dans un sens, vous faire de la peine, il vous satisfera pleinement dans un autre. Le jeune homme que j'avais au moment où j'entrais surpris dans une si humble attitude se leva tout chancelant. « Je n'en peux plus » s'écria-t-il. « Que votre excellence me pardonne, ce tribunal n'a aucun besoin de moi. Je suis malade, je suis fou !» Arrondissant les mains dans un geste furieux, il s'enfuit de la salle. « Qu'on le laisse aller !» dit le président. « Vouloir qu'il reste ici, ce serait trop exigé d'une créature de chair et de sang. Ce n'en est pas moins un vrai Vénitien. » Le premier désespoir passé, il saura comprendre que ce qui est devait être. On m'avait oublié durant cet épisode. Et bien que je n'ai pas coutume de m'effacer, je n'aurais pas demandé mieux que de me laisser oublier davantage. Mais, enfin, le président me jeta le regard du tigre qui revient à sa proie. « Vous payerez tout cela. Et ce ne sera que justice. Étranger de malheur, aventurier, gueux que vous êtes, vous avez osé lever les yeux sur la petite fille d'un doge de Venise, fiancée à un héritier des Loredans. De pareils avantages se payent cher. Pas plus cher qu'ils ne valent, répondis-je. Nous verrons si vous tiendrez toujours ce langage. Peut-être, quand il s'agira d'acquitter votre dette, montrerez-vous moins d'insolence. Matteo, vous allez reconduire le prisonnier dans sa cellule. C'est aujourd'hui lundi. Vous le laisserez sans manger et sans boire, et mercredi soir, vous le ferez de nouveau comparaître. Nous déciderons alors de quelle mort il doit mourir. » La perspective que m'ouvraient ces paroles n'avait rien d'agréable. Mais j'obtenais un sursis, et l'on fait cas de la moindre faveur quand on a près de soi une espèce de sauvage hirsute armé d'un couteau ensanglanté. Il m'entraîna hors de la salle, me poussa dans l'escalier, puis dans ma cellule dont il referma la porte, m'abandonnant à mes réflexions. Ma première pensée fut d'entrer en relation avec le camarade d'infortune qu'on m'avait donné pour voisin. Sitôt que je n'entendis plus aucun bruit de pas, j'écartai avec précaution les deux planches et glissai un œil au travers. La lumière était faible, si faible que je pus discerner tout juste une forme pelotonnée dans un coin. Il s'en échappait le murmure d'une voix, priant comme on prie sous l'empire d'une terreur mortelle. Les planches avaient dû craquer en bougeant, car la prière s'acheva dans une exclamation de surprise. « Courage, ami, courage !» m'écriai-je. « Tout n'est pas perdu. Espérez encore. Étienne Gérard est là, près de vous. Étienne ?» C'était une voix de femme qui me répondait, une voix qui, pour mes oreilles, avait toujours été une musique. Et m'élançant par la brèche, enveloppant mon ami de mes bras, « Lucie, Lucie !» m'écriai-je. « Lucie, Étienne, nous ne trouvâmes pas autre chose à nous dire pendant quelques minutes. On ne fait point de discours en un pareil moment. Ce fut elle qui, la première, revint à la raison. « Ah, l'on vous tuera, Étienne. Comment êtes-vous tombé entre leurs mains ?»« En répondant à l'appel de votre lettre, je ne vous ai pas écrit de lettre. Les monstres, les perfides, mais vous-même, j'avais reçu une lettre de vous. Lucie, je ne vous ai pas écrit. Ils nous ont pris tous les deux au même piège. Je ne tremble point pour moi, Lucie. D'ailleurs, aucun danger immédiat ne me menace. On m'a simplement renvoyé dans ma cellule. Étienne, Étienne, ils vous tueront. Lorenzo est là. Le vieux à barbe grise. Non, non, un jeune homme brun. Il m'aimait, et j'ai cru l'aimer. Jusqu'au jour où j'ai su ce que c'est que l'amour, Étienne. Jamais il ne me pardonnera. Il a un cœur de pierre. Qu'ils me fassent ce qu'ils voudront, ils ne peuvent me dépouiller du passé, Lucie. Mais vous, que vous feront-ils à vous? Ce ne sera rien, Étienne, rien que l'angoisse d'une seconde, et tout sera fini. Cette marque d'infamie qu'ils prétendent m'infliger, je la porterai comme un insigne de gloire, en pensant que c'est à vous que je l'aurais dû. Ces mots me glacèrent. Mes pires aventures n'étaient que peu de choses comparées à ce qu'ils me laissaient entrevoir. Lucie, Lucie, m'écriai-je, par pitié, dites-moi quel traitement vous réserve ces hommes sanguinaires. Parlez, Lucie, parlez. Non, Étienne, car cela vous ferait plus de mal qu'à moi-même. Eh bien, oui, je vais vous le dire, pour que vous n'alliez pas vous imaginer quelque chose de plus horrible. Le président a ordonné qu'on me coupât une oreille, afin que je fusse marqué à jamais comme ayant aimé un Français. Une oreille? Une de ces chères petites oreilles sur lesquelles j'avais si souvent appuyé mes lèvres? Je caressais, l'une après l'autre, les deux fines coquilles de velours, pour m'assurer qu'on n'avait pas encore commis le sacrilège. On arriverait jusqu'à elle qu'en passant sur mon cadavre, je le jurais à Lucie entre mes dents serrées. Je ne veux pas que vous vous tourmentiez pour moi, Étienne, si doux que soit l'intérêt que je vous inspire. Ils ne vous toucheront pas, ces démons. Un espoir me reste. Lorenzo est là. Il s'est tu pendant qu'on me jugeait. Peut-être, après mon départ, aura-t-il plaidé ma cause. Il est intervenu, en effet, je l'ai entendu. Alors, peut-être, aura-t-il trouvé le chemin de leur cœur? Je savais trop ce qu'il en était, mais pouvais-je le lui dire? Aussi bien je l'aurais pu sans inconvénient. Mon silence fut pour elle aussi éloquent que l'auraient été mes paroles. Ils n'ont pas voulu l'écouter, mais n'importe. Vous n'avez pas à craindre pour moi, mon ami. Vous verrez que j'étais digne d'être aimé par un soldat comme vous. Où est Lorenzo maintenant? Il a quitté la salle. Et sans doute aussi la maison, sans doute. Il m'abandonna mon destin. Étienne, Étienne, on arrive! J'entendais au loin des pas sinistres, accompagnés d'un tintement de clés. Que venait-on faire, puisqu'il n'y avait plus de prisonniers à traduire en jugement? La sentence prononcée contre mon ami allait donc recevoir son exécution. Je me campais entre elle et la porte. Je me sentais dans tous les membres la force d'un lion. La maison croulerait avant qu'on portât la main sur Lucie. « Partez, partez » implora-t-elle. « On vous tuera, Étienne. Moi, du moins, on n'en veut pas ma vie. Par l'amour que vous me portez, Étienne, allez-vous-en. Ce qui m'attend n'est rien. Je ne crierai pas. Je subirai ma peine sans me plaindre. « Nous pouvons encore être sauvés, » répondis-je dans un murmure. « Faites seulement ce que je vous dis, tout de suite, sans discuter. Entrez dans ma cellule, vite. » Je la fis passer, presque de force, à travers la brèche, que je l'aidai ensuite à refermer avec les planches. J'avais retenu dans mes mains son manteau. Je l'enroulai autour de mon corps, puis je gagnai en rampant le coin le plus sombre de la cellule où je me substituai à elle. Sur ces entrefaites, la porte s'ouvrit, plusieurs hommes entrèrent. J'avais présumé avec raison qu'étant déjà venu sans lanterne, ils feraient de même cette fois. Je n'étais, à leurs yeux, qu'une masse noire dans un coin. « Apportez une lumière !» dit l'un des hommes. « Non, non, au diable soit la lumière !» répliqua une voix brutale, que je reconnus être celle de Matteo. « Il ne s'agit pas d'une besogne que j'aime. Moins j'en verrai, mieux cela vaudra. Désolé, signora, mais la volonté du tribunal doit s'accomplir. » Je faillis me dresser tout d'un coup, foncer au milieu d'eux et fuir par la porte restée ouverte. Mais qu'en serait-il résulté pour Lucie? Fuir, c'était la laisser à la discrétion des bourreaux jusqu'au moment où, pour la secourir, je me serais procuré le renfort nécessaire, car je ne pouvais me flatter d'assurer, moi seul, son évasion. L'évidence m'en apparut dans le temps d'un éclair. L'unique parti à prendre, c'était de rester là, bien tranquille, d'accepter ce qui devait arriver et d'attendre une chance meilleure. Je sentis la main grossière de Mathéo tacher les mèches de mes cheveux, de ses cheveux où n'avaient jamais erré que des doigts de femme. Soudain, elle saisit mon oreille. Une douleur cuisante me traversa, comme si l'on m'eût touché avec un fer rouge. Je me mordis la lèvre pour étouffer un cri. Un ruisseau de sang me coula le long du cou et de l'échine. « Grâce à Dieu, voilà, c'est fait !» dit Mathéo en me donnant une petite tape amicale sur la tête. « Vous êtes une brave fille, signora. Vous auriez dû avoir trop de goût pour aimer un Français. Ne m'en veuillez pas. C'est à lui seul qu'il faut vous en prendre. » Que pouvais-je, sinon me tenir quoi, et tout en grinçant des dents me résigner à l'impuissance? Ma douleur, ma rage, trouvaient d'ailleurs un adoucissement dans la pensée que je souffrais pour celle que j'aimais. C'est l'habitude des hommes de dire aux femmes qu'ils souffriraient pour elles mille tortures. J'avais le privilège de montrer que, si je l'avais dit moi-même, j'étais sincère. Je songeais en outre que l'histoire ne s'ébruiterait pas sans qu'on rendît hommage à la noblesse de mon acte, et le régiment de Conflans serait fier à bon droit de son colonel. Ces réflexions m'aidaient à subir mon mal en silence, tandis que le sang qui coulait toujours de ma plaie s'égouttait sur le dallage. Peu s'en fallut que le bruit qu'il faisait ne causât ma perte. « Elle saigne à flots, » dit un des valets. « Vous devriez aller chercher un chirurgien, sans quoi, demain matin, vous la trouverez morte. »« Elle ne fait pas un mouvement et n'a même pas ouvert la bouche, » dit un autre. « L'émotion l'aura tuée. »« Sottise, une jeune femme ne meurt pas si vite, » déclara Mathéo. « Puis je n'ai taillé que juste assez pour laisser sur elle la marque du tribunal. Debout, signora, debout !» Il me secoua par l'épaule, et la crainte qu'il ne rencontre à l'épaulette sous le manteau me figea le cœur. « Eh bien, comment vous sentez-vous » Je m'abstins de répondre. « Malédiction !» s'écria le gondolier. « Que n'ai-je eu affaire à un homme plutôt qu'à une femme, et à la plus belle de Venise ? Ici, Nicolas, prêtez-moi votre mouchoir et apportez une lumière. » Pendant que des hommes sortaient pour aller chercher une lampe, Mathéo se penchait sur moi avec un mouchoir. Une seconde de plus, et mon secret se découvrait. Mais, soudain, Mathéo se releva, écoutant. Une rumeur confuse venait de la petite fenêtre au-dessus de ma tête. Un bruit de rame se mêlait à un bourdonnement de voix. Puis il se fit un grand fracas à la porte située en haut de l'escalier. Une voix terrible gronda « Ouvrez, au nom de l'empereur !» L'empereur ? Ce mot fit l'effet d'un nom de saint qui, par sa seule vertu, exorciserait les démons. Des cris d'épouvante s'élevèrent. Mathéo, les valets, le majordome, toute la clique braillaient à l'unisson. L'ordre terrible retentit encore, suivi d'un coup de hache et d'un craquement de planches qui se brisent. Enfin, des armes résonnèrent, nos soldats envahissaient à grand bruit la maison. Il y eut des pas précipités dans l'escalier, un homme s'élança comme un fou dans ma cellule. « Lucie ! » criait-il. « Lucie ! » À peine discernai-je ses traits. Il s'arrêta, soufflant avec force, incapable de trouver ses mots, puis de nouveau il éclata. « Ne vous ai-je pas montré combien je vous aimais, Lucie? Pour vous le prouver, que pourrais-je faire encore? J'ai trahi mon pays, violé mon serment, voué mes amis à leur perte, sacrifié ma vie à votre salut. » C'était le jeune Lorenzo Loredan, l'amoureux que j'avais supplanté. Je le plaignais à ce moment du fond du cœur. Mais après tout, en amour, chacun pour soi, et qui perd au jeu doit s'en consoler si le gagnant a du tact et de la bonne grâce. J'allais le lui dire quand, au premier mot que je prononçais, il s'exclama de surprise, courut au dehors, saisit la lampe accrochée dans le couloir et m'en projeta la lumière sur la figure. « C'est donc vous, scélérat de Français, vil faquin ! » s'écria-t-il. « Vous me payerez le mal que vous m'avez fait. » Mais alors il vit ma pâleur et le sang dont j'étais inondé. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-il. « Comment avez-vous perdu l'oreille ?» Je secouai ma faiblesse et, pressant mon mouchoir contre ma blessure, je me dressai, d'un air dégagé tout ensemble et digne, comme il s'y est un colonel de hussards. « Ma blessure n'est rien, monsieur. Avec votre permission, nous négligerons un détail si infime et si personnel. » Mais Lucie s'était brusquement jetée au travers de la cloison. Elle avait pris Lorenzo par le bras et lui débitait d'un trait toute l'histoire. « Le noble cœur ! Il a pris ma place, Lorenzo. Il a souffert pour moi. Il s'est dévoué pour me sauver. » Une lutte intérieure à laquelle je ne pouvais demeurer insensible se trahissait sur le visage du jeune homme. Il finit par me tendre la main. « Colonel Gérard, vous méritez le grand amour qu'on vous porte. Je vous pardonne, car si vous m'avez fait du mal, vous l'avez noblement expié. Ce qui m'étonne, c'est de vous voir encore vivant. J'avais quitté le tribunal avant qu'on vous jugeât, mais j'avais compris qu'il ne serait fait grâce à aucun Français depuis la destruction des trésors de Venise. « Lui, pourtant, il ne les a pas détruits, » s'écria Lucie. « Il a préservé ceux de ce palais. » « Ou l'un d'eux, tout au moins, » dis-je. Et m'inclinant, je lui baisai les doigts. C'est ainsi, mes amis, que je perdis une oreille. À 2 jours de là, on trouva sur la place Saint-Marc le cadavre de Lorenzo percé d'un coup de poignard au cœur. Les 12 bandits qui composaient le tribunal, Matteo et 3 autres de leurs compères, furent passés par les armes. Le reste fut banni de la ville. Quand nous eûmes évacué Venise, Lucie, mon adorable Lucie, sortira dans un couvent de Murano. Peut-être y est-elle encore. Peut-être, devenue abbesse, aurait-elle oublié les jours où son cœur et le mien, confondant leurs battements, le vaste monde nous semblait peu de choses auprès de l'amour qui nous brûlait les veines. Et peut-être, au contraire, n'aura-t-elle pas oublié. Peut-être le souvenir du guerrier qui l'aima dans ces temps lointains vient-il, à certaines heures, troubler pour elle la paix du cloître. La jeunesse a fui, la passion est morte, mais un cœur généreux ne change pas. Étienne Gérard inclinerait volontiers devant Lucie sa tête chenue, et c'est avec joie qu'il lui sacrifierait au besoin sa 2e oreille. Ainsi s'achève « Comment le brigadier Gérard perdit une oreille » par Arthur Conan Doyle.